Et bienvenue dans mon cul. Bonsoir. Je savais pas quoi dire d'autre en fait, à vrai dire, je trouve que je suis souvent pris au dépourvu dans ce genre d'émission. Je t'ai demandé juste avant si tu voulais improviser un truc, le mec il me fait ouais, ça va aller, ouais. Si vous aviez vu le reset. Enfin le si vous aviez vu le facepalm que j'ai fait, pas le reset, je suis désolé, je suis en train de regarder, il est pas shiny en même temps. Si vous aviez vu le facepalm que j'ai fait quand j'ai entendu bienvenue dans mon cul. Waouh. Mais c'est ça qui est magnifique, cette espèce d'aspect déformé contemporain de nos intros. Ah oui, la contemporain, ouais, carrément, hein. Et on peut dire que d'un point de vue métaphorique, bienvenue dans mon cul, c'est une intro. Oui, c'est une intro, effectivement. Effectivement, ça trompe un peu le cul. C'est une introduction. Non, dans mon cul. C'est une introduction. Voilà. Je vous introduis métaphoriquement dans mes fesses. Ces mêmes fesses qui peuvent représenter l'émission. Et sachant que des fesses, il y a souvent de la merde qui sort. Ah oui, là je vois le... Ouais. C'est de la radiothéorie, en fait. Bienvenue Radio Records. Vous l'aurez deviné, je suis Puck et c'est Venom. Oui. C'est Venom. Et nous sommes... Je vais bien. J'ai pris conscience que j'étais un animateur de radio, en fait. Ah ouais. Toi aussi. Oui. J'ai pris conscience que j'étais un... Et que du coup, eh bien, j'arrivais à voir au-delà de la radio. J'arrive à voir chez les gens, j'arrive à voir à travers les ondes, j'arrive à voir au-dessus de tout ça. Parce que j'ai pris conscience que j'en étais un. Parce qu'avant, je faisais pas gaffe. Moi, avant, pour moi, on était dans un, je sais pas, quelque part en train de discuter seul au monde, à parler peut-être à une noix de coco, je ne sais pas. Puis j'ai eu une prise de conscience. D'un coup, j'ai dit, mais je suis dans mon salon, je suis chez moi, il n'y a pas de noix de coco, pas de sable fin. Il n'y a pas de noix de coco ni de sable fin? Non! Putain, mais ça c'est moi qui les ai, c'est vrai, pardon. Je t'avais dit que je t'inviterais à la maison. Mais c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience. Ah, c'est beau. C'est beau. Bon, on va pas tergiverser parce que j'ai pas 3 heures. J'en ai même pas 2, j'ai 1h45 pour enregistrer, donc ça va être beau. Avec les fichiers qu'on doit exporter après pour les enregistrer et tout, c'est magnifique. Ouais, donc on va aller droit au but. Donc on va aller bon droit jeu. Au but. Ça a été un peu l'enregistrement de l'angoisse. Hein. C'est un peu l'enregistrement de l'angoisse. Parce que jusqu'à il y a 10 minutes, je savais pas qu'on allait enregistrer. Voilà. Il y a 10 minutes encore, je savais pas qu'on allait enregistrer. Puck m'a envoyé un message. T'es dispo? J'ai répondu oui. Et après, j'ai envoyé un autre message. T'es marqué bit. Mais bon, ça sert à rien à voir. Mais bon, ça, voilà, c'est nos. Voilà. C'est nos. Oui, voilà. Comment dire? Ah, attendez, cool. on pose une question sur. Sur le chat. On me pose une question sur le chat. On me pose une question sur le chat. Eh oui, parce que. Elle se trouve à ce moment-là, ce lundi soir même où nous sommes, à 21h, bon, on va dire que là, il est peut-être 21h05, tout pété, ça. Il y a un Gus qui va poser une question sur le chat. Exactement. Et ça veut dire que sans le vouloir, on aura été synchro. Sans le vouloir, on est synchro, c'est magnifique. Après, il suffit qu'on mette quelqu'un dans la confidence, quelqu'un qui pousse à dire une bêtise, et hop, quelqu'un pose une question sur le chat pour savoir ce qui se passe. Et du coup, on serait d'accord. Enfin, là, c'est. On est moins dans le mysticisme, mais plus dans la technique, vais-je dire. Parce que mine de rien, on utilise énormément de techniques. Hein. On a des moyens, on vous raconte pas. Ouais, des fois, je me torche avec des billets tellement je sais pas quoi en faire. Hein. Pareil, acheter des consoles, des jeux. Non, moi, je me torche avec des billets. Hein. Ah ouais, non, parce que. Il y a trop, ça c'est. Ouais, enfin l'argent des abonnés, tout ça, on en trouve trop. Donc ouais, en gros, je vous explique, on est vendredi. Normalement, vendredi, c'est le jour où je ne fais rien. Et là, il se trouve qu'aujourd'hui, je me suis dit, fuck ta mère, je vais aller dans mon club de jeux de rôle. J'y vais jamais le vendredi. Je me suis dit, je vais aller dans mon club de jeux de rôle et je vais aller jouer avec Toulouse. J'ai déjà joué avec Toulouse hier, mais je vais refaire avec Toulouse aujourd'hui. Et du coup, je pars là à 18h, il est 16h20, hein, quand on dit ça, donc c'est magnifique. Oui, et c'est toute la beauté de la chose. C'est toute la beauté de la chose, c'est que j'étais en train de dire, on était en train de dire, ouais, on va parler d'un certain truc qu'on fera du coup probablement la semaine prochaine, on sait pas. C'est les surprises. Et puis d'un coup, je fais ouais, on va finir vers 18h30. Et puis d'un coup, attends, on est vendredi, 18h, merde. Ça a été beau. Ça nous a mis dans la merde, hein. Mais on va tenir le truc quand même, on est bon. On va enchaîner. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un mec. Le mec, il est aware. Ouais. Il est carrément le aware. Le mec, il est carrément aware. À mort. Le mec, il est aware. Mais il a mal quand même, hein. Je pense qu'il a mal. Est-ce que tu penses que ça lui fait mal? Je pense qu'il a mal à sa France. Oh. Oui. Il a mal à sa France. Oui. Mais ça dépend en fait. Il a mal, oui et non. Moi je pense au niveau du... Enfin, physiquement, ce qu'il a avant de mettre le... tu sais quoi? Ouais. Tu sais, après qu'il lui donne ses... tu sais quoi? Bah oui. C'est-à-dire qu'au début il a un... Enfin tu vois. Ouais. Et puis après, il lui donne tu sais quoi, et puis il met un tu sais quoi. Bah oui. Et moi, je me demande si, à cause, quand il lui donne les tu sais quoi, il a. Enfin, il est tu sais quoi, sur tout le corps. Ouais. Bah je oui. Je me demande s'il a mal. Et c'est pour ça qu'il serait devenu tu sais quoi. Bah oui, effectivement. Et que ça aurait eu un impact sur tu sais quoi, du coup. Bah oui, effectivement. Bah oui. Donc, et là, les gens sont en train de se dire bordel, qu'est-ce qu'il raconte? Ben, la question c'est tu sais quoi. La question c'est tu sais quoi. Non mais alors on parle de... Aujourd'hui on va vous parler d'un des meilleurs jeux. Le meilleur jeu de super-héros qui a été fait de tous les temps. Oui. Deadpool. Oui, oui. Très sincèrement pour moi, j'ouvre l'émission en disant ça, c'est le meilleur jeu de super-héros de tous les temps. J'adore Ultimate Spider-Man, j'adore... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, j'ai joué à Spider-Man 2 aussi, sur PS2, qui était très très bon. Je vais me faire frapper pour ce que je vais dire, mais ça va vous surprendre, mais le jeu X-Men Origins, c'était très très bon. Mais film était à chier, mais le jeu était excellent. Le jeu était... Moi, je le trouve excellent jeu. Je l'ai fait et refait plusieurs fois. C'est de la boucherie à l'état brut, mais ça correspond au personnage. Ça correspond au personnage, contrairement au film. C'est ça, c'est-à-dire que le jeu vidéo, c'est... Retenez bien, parce que c'est quand même assez rare qu'un jeu vidéo soit meilleur qu'un film. Effectivement. Et... ça arrive, mais c'est assez rare. Et il y a quoi d'autre? Je suis en train de réfléchir à d'autres jeux de super-héros. Spider-Man de Shattered Dimensions. Il était plutôt bon aussi. Je l'ai jamais fini, ce jeu. Mais moi, j'ai jamais joué, mais ça me tentait bien. Ah, en fait, il est très très cool puisque tu joues les différents Spider-Man qui existent dans tous les univers. Donc, t'as le Amazing Spider-Man, Spider-Man 2099, celui du futur, Black Spider-Man, celui du passé, celui des années 30, et tu joues aussi Ultimate Spider-Man, mais avec le costume le Venom en fait. D'accord. Et en fait, moi j'ai eu beaucoup de mal parce que 90% du jeu c'est de la bagarre. 90% du jeu c'est de la bagarre. C'est un jeu de gitan quoi. Bah non mais c'est un jeu de super-héros Spider-Man quoi, tu vois. C'est un jeu de Lopez ouais, s'il y a que de la bagarre. Le truc c'est que... Enfin, c'est de la bagarre plateforme en fait. C'est-à-dire que tu fais de la plateforme pour faire la bagarre, hein, faut être honnête. Oui. Sinon, le jeu est fini. En fait, le truc qui m'a dérangé, c'est que quand tu joues Black Spider-Man, moi je l'appelle Black Spider-Man, hein, c'est le nom que moi je lui donne, je sais pas comment, quel est le nom officiel et je m'en fous. Dans le Spider-Man, je crois que c'est Spider-Man 1930, un truc comme ça. Ouais, enfin, on va l'appeler Black Spider-Man parce qu'il est noir et qu'il est très très sombre. Tu vois, même au niveau mental, c'est vraiment pas Spider-Man quoi. C'est vraiment différent. Et quand tu joues Black Spider-Man, c'est de l'infiltration. Oui, c'est ce qui me semble avoir vu, c'est que chaque Spider-Man a ses phases de jeu, en fait, plus ou moins. C'est ça, c'est-à-dire que Spider-Man 2099, ça va plus être du beat'em all. Tu vas traverser des couloirs, tabasser des ennemis et puis arriver au boss. Point. C'est très simple. Amazing Spider-Man et Ultimate Spider-Man, les deux sont plus ou moins pareils. C'est de la plateforme. Plus de plateforme d'ailleurs sur Ultimate. Mais le Amazing, c'est, tu fais de la plateforme, tu tabasses des ennemis et puis t'arrives au boss. Ouais. Et Black Spider-Man, bah, c'est de la... C'est de la... Comment de la... L'infiltration, parce que c'est un personnage furtif. C'est ça. Et en fait, moi, ça m'a complètement sorti du jeu. Ça m'a complètement sorti du jeu. J'ai pas aimé du tout. Et j'y arrivais pas, en fait, à la deux ou troisième phase de plateforme de Black Spider-Man. Je n'y arrivais pas. Donc j'ai fini par rage-quit le jeu. Parce que toutes les missions sont obligatoires. Ah, tu peux pas les passer. Tu peux pas les passer. Tu peux pas dire bah, cette mission je veux pas la faire, je vais en faire une autre à la place. C'est pas possible. Donc du coup t'es un peu dans la merde des fois. Il y a des moments où t'es un peu dans la merde. Genre t'es bloqué quoi. Voilà c'est ça. Moi ça m'a bloqué, j'ai pas réussi à passer. Donc j'ai complètement j'ai dit va te faire foutre. Je cherche ce qu'il y a d'autre comme jeu de super-héros. J'en connais pas des masses. Il y a les Iron Man. Il y a des jeux Iron Man. Oui, adaptés. Oui, oui, il y a des jeux qui sont sortis suite au film. Ah, je crois qu'il y en a eu d'autres avant. Je suis pas sûr, mais moi j'ai eu connaissance que de ceux qui sont sortis suite au film et qui sont. Voilà. C'est-à-dire que même quand j'ai regardé des vidéos pour voir ce que ça donnait, il y a rien qui te dit oh tiens ça a pas l'air d'être super mais bon c'est Iron Man ça peut être cool non c'est à dire que même le plus mauvais des jeux Spider-Man à côté bah il est bon. C'est non il y en a alors Captain America je sais pas s'il y a eu non je suis en train de regarder effectivement il y a eu un Iron Man 2 en fait là je suis sur la page des jeux bon Marvel principalement il y a un jeu dont on n'a pas parlé que moi j'aimais beaucoup c'était les Ultimate Alliance. Oui, qui sont disponibles qu'en anglais, il me semble. Non, du tout. Ils sont sortis en français et tout. Tu joues tous les héros Marvel et tu fais une équipe avec 4 héros Marvel, je crois. Ouais, mais ça doit être ça. Il y a vraiment tout. Il y en a eu deux, je crois. Il y en a eu deux, effectivement. Et je crois que c'est le deuxième alors qui doit être en anglais. Non, parce qu'il est sorti en France aussi. Bah, parce que j'ai un pote qui a justement les Ultimate Alliance. Il les a achetés en France, mais ils ne sont qu'en anglais, ils n'ont pas été traduits. Ah bah moi je me souviens avoir joué au 1 ou au 2 en français. Je sais plus. Bah c'est peut-être le 1 et le 2 du coup qui a pas été. Ou alors c'est encore un autre jeu. Mais il me semble que c'est Ultimate Alliance. Hein. Et alors là j'aimerais dire un gros bravo à Gameblog. Parce qu'ils ont mis un jeu d'ici, c'est ça? Non, parce que je suis allé sur la page Gameblog donc de Ultimate Alliance 2. Et je regarde et vos blogs sur Marvel Ultimate Alliance, Avengers, enfin un vrai film de super-héros. Bon, pourquoi pas. La pin-up du dimanche numéro 87. D'accord. Et le dernier, c'est le plus beau de tous, palpation de super-héroïne. C'est des super-héroïnes qui se touchent les seins à travers leur costume. C'est un jeu ? Non. Non, non. C'est un mec qui a fait des images de super-héros qui se palpent les seins. Tu peux m'envoyer le lien, s'il te plaît ? Non, mais c'est nul. C'est à travers le costume, c'est nul, mec. Mais c'est pas grave. Tu vas voir, c'est vraiment nul. Mais justement, plus c'est nul, mieux j'aime, moi. C'est ça, la beauté de la chose. C'est vraiment à chier, c'est Gameblog, hein. On va pas... Anyway, d'ici, pareil, je sais pas, je sais qu'il y a un jeu Batman qui a été annulé. Bah, de toute façon, les jeux Batman, il y en a eu pas mal, hein. Ouais, il y en a eu pas mal, des très bons comme des très mauvais. C'est ça. Il y a des très bons comme des très mauvais. Et du coup, on va repartir sur Deadpool. Deadpool. Deadpool. On va peut-être vous parler rapidement de l'histoire. Comment, est-ce qu'on commence par l'histoire? Bah écoute, oui, ce serait bien pour pouvoir passer le personnage. Est-ce que, non, est-ce que toi, tu te souviens de l'histoire du jeu Deadpool? Non, en gros, c'est, ça, je sais que ça commence, c'est Deadpool qui est chez lui. Ouais. Bon, c'est du Deadpool, hein, ça part en steak, et en gros, bah, il t'annonce que voilà, ça y est, bienvenue dans le jeu vidéo, et il va recevoir le script du jeu et il va totalement le réécrire. Ah, en fait, c'est plus ou moins ça, c'est-à-dire que Deadpool est chez lui. Et il reçoit, donc il écoute son répondeur, il y a plusieurs messages de super-héros, il y a Wolverine qui lui dit « Non, tu ne prendras pas le X-Wing !» Il y a une nana qui lui dit « Écoute, je sais qu'on s'est vu, mais voilà, enfin je voudrais oublier. » Enfin, en gros, ils ont couché ensemble et elle le supporte pas. Et elle finit en lui disant « Non, tu peux pas prendre le X-Wing !» Attends, là, tu fais « Putain, vous êtes sérieux ?» Là, je crois que c'est le, enfin, c'est le, l'avion des X-Men, hein, en gros. Hein. Je dis le X-Wing. C'est ça, oui, parce que dans les comics, il veut tout le temps le conduire, en fait. Voilà. Ce qui est toujours assez énorme. Et finalement, il reçoit un appel, enfin, il a un message d'un producteur qui lui dit « Écoute, Deadpool, c'est machin, le producteur que t'as vu pour ton jeu. Alors, c'est pas qu'on veut pas te le faire, mais le scénario écrit à la pastel, ça le fait pas vraiment. Et puis, de toute façon, tu demandes beaucoup trop de choses, donc on fait pas ton jeu. » Là, Deadpool dit « Ah ouais, ça se passe comme ça. » Il appuie sur un petit bouton, on entend une grosse explosion au loin. Le téléphone sonne. « Hey Deadpool !» C'est le mec qui le rappelle. « Hey Deadpool, c'est machin, ouais, tu sais, le producteur du jeu. Ah, tu te souviens de mon appel il y a quelques minutes qui disait qu'on te le faisait pas. Quelle bonne blague. En fait, on te le fait. On t'envoie quelqu'un qui t'envoie un script, ça va être le script de ton jeu. » Alors là, déjà, tu nages en plein méta. Tu nages en plein méta parce que le mec, il t'envoie un script pour ton jeu. Et en fait, là, il y a un passage très marrant, c'est-à-dire que, bon, on peut faire un peu ce qu'on veut dans l'appart. Il y a un succès qui consiste à tout faire. Donc, ça va de boire des bières jusqu'à ce que Deadpool soit bourré. Sauf qu'en fait, quand il... Ben non, parce qu'en fait, tu bois trois bières, il commence à tanguer, et d'un coup, ça s'arrête et il fait « Putain, c'est vrai, avec mon facteur régénérateur, je peux pas être bourré, tu fais chier. » Deadpool qui fait caca. Oui. Et alors ça, je crois que j'ai jamais autant ri. Avec la barre noire, c'est ça? Avec la barre noire, le mec il enlève son froc et il y a un tout petit carré noir au niveau de son sexe. Il fait quoi? Mais ça va pas du tout. Il le tire en longueur et en largeur. Il fait un machin énorme qui est deux fois plus grand que ses jambes. Il le remet entre ses cuisses et fait ah là ça me correspond mieux. Il y a un moment où tu peux gonfler une poupée gonflable aussi. Oui. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Du Deadpool. Et puis la porte sonne. Tu vas ouvrir, il y a une nana en petite tenue qui est bien en forme, on va dire ça comme ça, qui lui dit Monsieur Deadpool, j'ai un colis pour vous. Alors là, tu dis ouais, mec, vas-y. Vas-y, mec, vas-y. Eat that shit, quoi. Ah, it, H-I-T, hein, bien entendu. Hein. pas it, A-T, ça n'a pas le même sens, mais c'est la même prononciation, plus ou moins. Et là, tu fais... ouais, vas-y, t'appuies. Et il fait, moi aussi, j'ai un colis pour toi. Il prend le colis, il fait... Et il ferme la porte. Là, tu fais, mais... Pourquoi? J'en ai tellement marre. J'en ai tellement marre. Déjà dès le début du jeu, j'étais en mode j'en ai tellement marre. Et c'est comme ça tout le jeu. Et donc en fait Deadpool ouvre son colis et c'est le scénario du jeu. C'est le scénario du jeu. Il dit quoi? Mais ça le fait pas du tout. Et il réécrit dessus à la pastel. Ce passage là il est foncièrement épique quand même. Et il va aller en fait chercher le producteur pour modifier le scénario de son jeu. Alors j'ai un spoiler à vous faire dès le début. J'ai un spoiler à vous faire dès le début. C'est que le scénario du jeu, c'est le scénario du jeu. C'est-à-dire que si vous regardez vraiment le scénario du jeu qu'on lit sur l'écran, si vous mettez en pause, ça parle du moment où on va aller chercher le... Où on va aller chercher le... Comment le... Le... Putain. On va aller chercher le producteur. Ça parle de... En fait, de tout ce qui va se passer dans le jeu, on le... C'est écrit dans le scénario. Parce qu'ils ont présenté le vrai scénario, en fait. Parce qu'ils ont présenté le vrai scénario. Et c'est magnifique. Moi je trouve ça beau. Je trouve ça magnifique que le jeu te dit on va pas faire ce scénario là et il le fait quand même. Ce qui est beau surtout, c'est que c'est un personnage tellement particulier de comics Deadpool que tout ce que tu peux adapter de lui, on va dire que t'as une liberté incroyable. On est d'accord. T'as une liberté incroyable. Et sachant que Deadpool, c'est quand même le personnage... Enfin, il est beauf. C'est un gros beauf, Deadpool. Oui. Tu peux faire du une heure de succession de van beauf. Ça passe. Ça passe parce que c'est ce que tu attends. Oui, et alors juste... Je vais juste me permettre. C'est ce que tu attends, mais c'est pas beauf, ultra beauf, tu vois. Parce qu'il y a beauf et il y a beauf. Oui, non, c'est un beauf particulier. C'est pas un beauf à la française, quoi. C'est pas un beauf à la Benzaï. Soyez honnête. Non, mais Valère, enfin, dis ça, mais Benzaï se revendique comme beauf. Mais c'est beauf lourd. Mais c'est beauf lourd. C'est ultra relou. Son humour est ultra relou. Deadpool, c'est dosé. Il y a une certaine dose qui fait que c'est toujours drôle. Et je pense que c'est là que le jeu et le personnage sont bien. C'est dans le dosage. Ils arrivent à doser assez pour que ce soit beauf, mais pas trop non plus. Et puis c'est drôle puisque il y a beaucoup d'autodérision derrière. Oui. Puisque c'est quand tu regardes, c'est énormément d'autodérision parce que ça va être de la vanne. Sur le travail artistique, puisqu'il a conscience d'être un personnage de comics, donc il a conscience dans le jeu d'être un personnage de vidéo, donc va y avoir beaucoup de vannes sur le travail en lui-même, et donc c'est énorme d'autodérision, et c'est d'autant plus émérite comme boulot, puisque il faut réussir à prendre assez de recul pour pouvoir se foutre de la gueule de son propre boulot en faisant quelque chose de bien. C'est une putain de... C'est Inception, le truc, quoi. De ouf. C'est de ouf. De ouf. Puisque c'est un personnage qui est très, très riche, très complet, et qui peut paraître... Enfin, il y en a qui pourraient dire oui, c'est simpliste, enfin, en gros, le mec, voilà, il fait ce qu'il veut, machin. Ouais, mais... Enfin, il fait ce qu'il veut, mais c'est vachement dur. Enfin, moi, quand je lis des comics, quand j'ai vu le jeu, quand j'ai... Même quand j'ai vu le film, c'est dingue. Avec le recul que tu prends, tu te dis, c'est dingue. C'est dingue le boulot qu'il y a eu. Enfin, même si tu te dis, putain, en fait, c'est que de la vanne. Ça aussi, je peux le faire. Ouais, mais c'est vachement dur de prendre assez de recul pour que ça passe. Ouais. Et pour que ça sonne juste et pour que ça fasse. Pour que ça fasse rire. Ça fasse rire et que ça soit crédible. C'est-à-dire que. Qui est quand même une immersion, qu'on se dise putain ouais, enfin qu'on arrive à percevoir en fait cet aspect du personnage est oublié, enfin c'est super compliqué, c'est vraiment compliqué en fait, c'est super dur. Même en tant que spectateur ou lecteur ou joueur, c'est super dur en fait, puisque tu prends la mesure de la chose en fait et tu y crois, c'est-à-dire que t'arrives à croire que ça c'est plus qu'un personnage, dans une œuvre, c'est vrai, il a vraiment sa conscience propre et qu'il dépend. Ah oui, mais carrément, il a sa conscience propre. Hein. Ouais, mais il a sa conscience. Tu veux dire que t'en oublies par moment qu'il y a. C'est quelqu'un, c'est pas lui, c'est qu'il y a quelqu'un derrière, comme dans toutes les œuvres de création. Oui. Il y a quelqu'un derrière. On a l'impression qu'il est le propre créateur, en fait. Ah non, que la création est le créateur, et c'est fantastique. Et c'est un travail. Pour moi, c'est du haut vol. C'est un travail vraiment de haut vol. C'est du haut vol, et c'est. Bah, c'était un peu comme ce personnage que j'ai oublié. Qu'un personnage, pareil, de comics et de film. Alors, c'est pas du tout de l'humour, hein, cette fois-ci. Conan. Le barbare. Conan le barbare. Il y avait des mecs, enfin c'était tellement bien écrit, on croyait tellement au personnage qu'il y avait des gars qui disaient c'est pas le créateur qui a écrit Conan, c'est Conan qui a donné l'idée au créateur d'écrire Conan. Ça c'est fort ça. Quand c'est, on ça, en arrive à ce niveau-là de crédibilité, c'est quand même assez ouf, tu vois. Ben quand on arrive à en oublier la fiction. En oublier la fiction et à dépasser le cadre créatif, ouais, c'est fort. Je pense que c'est une réussite un peu ultime, quoi, pour la personne qui fait ça. Ah bah oui, c'est le mec, il a plus rien à prouver, quoi. C'est clairement ce qu'on dit. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, le mec, il a pris ses couilles, il a mis sur la table et il attend que ça se passe, quoi. Ah mais c'est exactement ça. Du coup, bon, on va quand même un peu avancer parce que le temps tourne. Deadpool. Deadpool, le jeu. Il y a pas mal, en fait, on en parlait tout à l'heure. Moi, je l'ai trouvé un peu comme... Enfin, c'est con à dire. Ce que je vais dire, c'est con à dire, c'est pas une critique mauvaise. C'est que c'est un couloir. Dans Deadpool, le jeu, tu ne peux pas te perdre. C'est pas un open world. C'est un immense couloir. C'est un couloir, peu du... C'est un couloir extra large. En fait. C'est ça. C'est même pas extra large, parce qu'au final, il y a vraiment des passages qui sont couloirs. Oui, c'est vrai. C'est du beat'em all, en fait, tout simplement. T'avances, il y a des ennemis, tu leur casses la gueule, tu continues d'avancer. Là, c'est du beat'em all avec un côté amélioration de personnage et d'équipement aussi. Oui, voilà, avec un peu de RPG. Et encore. Oui, non, c'est un aspect. C'est, on va dire que c'est avec une influence d'aspect RPG sur certains points de gameplay. Mais le plus gros, c'est du beat'em all platforming, quoi. Ouais, c'est ça. Et on peut rebondir d'ailleurs sur rapidement sur BioShock, c'est qu'on est sur un gameplay ce qui est le plus classique, mais qui fait un jeu excellent. Et comme quoi, ça permet aussi de voir que, comme on dit à chaque fois, ce qui fait un jeu, c'est aussi le scénario, c'est aussi l'univers. Oui. Et qu'il peut avoir le meilleur gameplay du monde, le truc le plus novateur, jamais vu avant, jamais machin. S'il n'y a pas d'univers, s'il n'y a pas de scénario, si dans le cas d'une, par exemple, d'une adaptation de d'une autre œuvre, s'il n'y a pas quand même un bon respect, eh ben, le jeu est une merde. Mais si le gameplay n'est pas bien utilisé, ça passe pas, en fait, je pense. Oui, c'est ça, c'est-à-dire oui. Après, oui, il peut avoir un très bon scénario si le gameplay est plus que. Ça va avoir du mal à passer. Tu prends le cas du jeu Deadly Premonition, je sais pas si t'as déjà entendu parler. Ouais, j'en ai entendu parler, mais j'y ai pas joué. Qui a une intrigue folle, qui a un univers, franchement, enfin voilà, l'intrigue et l'univers est franchement bon. Pour ce qui est de la prise en main du gameplay, c'est très, très, très maladroit, très lourd. Vraiment pas pratique, et du coup ce qui fait que il faut une dose de courage relativement immense pour vraiment réussir à y jouer. On est très amené à rage quit à partir parce qu'on n'en peut plus, c'est trop lourd, le gameplay est mal géré, le jeu en devient indigeste et c'est dommage. Bah, y en a on va quand même, hein, puisque une demi-heure déjà donc ouais, c'est un couloir beat'em all. C'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est le... Comment on peut dire ça? C'est le choix qu'on va avoir au niveau de un peu tout, surtout des armes. Oui. Parce qu'on commence au début avec, il me semble, les katanas. Katana et pistolet, c'est les armes katana classiques. Katana et pistolet, armes classiques. Et on peut en fait faire évoluer les armes. On peut en acheter d'autres, etc. en récupérant des points. Alors il y a des points qui sont disséminés dans le niveau, vous en gagnez en tuant des ennemis. Voilà, il y a un peu de tout. Et vous pouvez acheter diverses armes. Ça va du... Alors les armes de CAC, je me souviens pas très bien. Moi je me souviens d'une seule. Je sais pas si tu te souviens des armes de CAC à part la toute dernière. T'avais les sabres, t'avais les trucs là, comme dans les Tortues Ninja. Oui, les, voilà, je les sais plus le nom. On va les appeler les Tortues Ninja. Ça fait comme une espèce de fourchette. Ouais, de mini fourches, enfin voilà les gens. Des mini tridents. Voilà, des mini tridents. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, on a cette arme là. Il me semble, on n'a pas une sorte de gros marteau, un truc comme ça. Justement, moi c'est là que je voulais en venir parce que d'ailleurs. Le marteau, il a un nom, en vrai. Alors, je t'avoue que ça fait un moment... C'est pas le nom qui est donné dans le jeu, mais les gens qui ont joué ont compris. Les gens ont compris ce que c'était. C'est Mjolnir. Ah oui. Voilà, c'est le marteau de Thor. C'est vrai. Mais je savais bien qu'il y avait une connerie comme ça. Après, il y a pas mal d'autres armes. Il y a les grenades, il y a pistolet, fusil à pompe. Uzi, il me semble aussi. Il y a un Uzi, il me semble qu'il y a un lance-grenade ou des conneries du genre. Enfin, après, il y a des armes aussi qu'on récupère sur des ennemis. Genre grosse mitrailleuse, lance-patate. Genre grosse mitrailleuse, lance-grenade, tout ça. Je réfléchis en fait. Ouais, au niveau des armes, moi je. Je sais pas trop parce que je joue marteau et petit flingue. Mec, il se met tort dans Matrix. Ah, moi je fais tort dans la matrice quoi. Parce que je trouve en plus, enfin c'est, il faut savoir que le jeu est quand même interdit au moins de 18 ans. Faut être honnête, c'est interdit au moins de 18 ans. C'est, jamais fait gaffe que c'était moins de 18. Si je dis pas de bêtises, il me semble que le PEG européen c'est moins de 16. Hein. Mais je suis pas sûr justement. Je vais aller vérifier ça là tout de suite sur Steam. Mais attends, moi j'ai la boîte du jeu. Ah, t'as la boîte du jeu. Oui, sur Xbox 360. D'ailleurs, j'ai récupéré le jeu sur Xbox One. Bon, c'est très con, mais comme ça me permet de revendre le jeu sur Xbox 360. Non, moins de 18, tu as raison. Ouais. Et de cette revente du jeu sur 360, je vais pouvoir me faire un petit gage pour un prochain jeu neuf. Puisque là, je l'ai en promotion, le Deadpool sur Xbox One. Et comme il y a Far Cry qui sort dans pas longtemps. Oui, le Far Cry Primal, ouais, effectivement. Et comme il y a Hitman qui sort dans pas longtemps, et comme il y a Mira, voilà. Ouais, mais Hitman, voilà. Enfin bref, on va pas, hein. Voilà. Mais donc oui, du coup, il y a beaucoup de choix d'armes, de CAC et de distance. Après, on peut améliorer. Il y a plein d'améliorations, donc. Tu peux améliorer ta santé. Tu peux améliorer déjà les armes. En fait, tu peux améliorer les armes, donc mettre des plus gros dégâts, plus de récompenses. Alors moi, ce que je fais, c'est que une des premières choses que je mets, c'est les récompenses que tu gagnes en tuant des gens avec cette arme. Comme ça, tu peux améliorer plus vite. Tu améliores encore plus vite. Il y a quoi d'autre? Il y a les dégâts. Il y a les combos, je crois que tu peux faire. Oui, alors t'as les combos. Les combos que tu peux faire. Et en plus. Comment ça s'appelle? Les rages, si on peut appeler ça comme ça. Ça, c'est un élément de gameplay auquel on va revenir. Oui, parce qu'on peut rentrer dans un mode spécial, je crois. Oui, c'est ça. C'est cette espèce de méga mode ultra violent. Qui est vraiment cool. Il y en a 3-4 différentes d'ailleurs. C'est ce qui me semble aussi. Il y en a 3 ou 4 différentes, je sais plus si c'est 3 ou 4. Et ouais, après il y a amélioration de personnage, amélioration de santé, amélioration de régène. De régène aussi, régénération, c'est plus ou moins. Et ça, c'est un élément justement qui m'a fait aimer Deadpool, c'est que. J'ai retrouvé, c'est l'élément mais vraiment tout con, moi qui m'avait plu justement parler de X-Men Wolverine Origins, le côté justement le personnage qui se fait mais déchiqueter et tu le vois qui se régène petit à petit. Oui. Et tu retrouves ça justement dans le jeu Deadpool, parce que quand tu te maraves, tu vois ton personnage, alors tu vois les trucs, tu le vois troué de balles, tranché à certains endroits. Et si tu attends, tu vois qu'en même temps que ta vie remonte, bah ça se régène et il se reconstitue en fait. Et exactement. Et ça j'avais kiffé. T'as aussi le côté des la trace des coups sur les ennemis, le fait de pouvoir les trancher en mille morceaux. Enfin, ouais, tu retrouves cet aspect que t'avais justement dans X-Men Wolverine Origins, tu le retrouves dans Deadpool. Et c'est plutôt kiffant. C'est plus cool, parce que ça rajoute un peu de piment, on va dire, à la chose, un peu plus de violence et de burne dans ce jeu. Et c'est un élément graphique, voilà, un élément de gameplay, un élément graphique qui est très intéressant. Oui, et puis surtout, enfin, ça colle. Bah, ça colle, oui. Non, mais ça colle au gameplay, c'est-à-dire que si tu regardes par exemple un Call of maintenant, tu te manges une balle. Il y avait cette très belle image du mec dans Call of qui se mange une balle, qui a les yeux qui saignent, et puis qui d'un coup s'arrête et le sang remonte, et puis il est guéri. Oui, mais c'est ça, mais maintenant dans les jeux, tout le monde a le pouvoir de régène. Hein. Et maintenant, dans les jeux, tout le monde a le pouvoir de régène. On pourrait faire une game theory dessus d'ailleurs. Il se trouve que en fait, dans Call of, ce sont tous des mutants. Ils l'ont fait. il a fait une game theory dessus, Matt Pat. Mais en fait, le truc, c'est que dans Deadpool et du coup dans X-Men Origins Wolverine, c'est logique. Parce que les personnages ont un pouvoir de régénération. Donc c'est logique. C'est normal qu'on se régène. Moi je trouve ça énorme, quoi. Je trouve ça gigantesque. Tu vois, il y a la logique qui fait qu'on te met un élément de gameplay qui est présent et qui marche. Et c'est expliqué par l'histoire. Ce qui aurait été pas logique, c'est que son corps se reconstitue parce qu'il est pouvoir de régène, mais qu'il aurait fallu récupérer des kits de sang pour récupérer la vie qu'on a perdue durant le jeu. Voilà. Ça aurait été très con. Ce qui aurait été encore plus con, c'est qu'il subit des dégâts, mais il n'y a pas de traces sur son corps, et qu'en plus, il ne se régène pas. Ça aurait été encore deux fois plus con. Voilà. C'est un gameplay qui est raccord à l'histoire. C'est un gameplay qui a raccord à l'histoire, et moi je voulais en revenir là où je voulais en venir tout à l'heure en parlant du Peggy en fait. Ce qui est Peggy 18 en France et dans le monde entier d'ailleurs aussi. C'est Peggy 18 partout ce jeu. Pardon. Parce qu'il est dégueulasse. Parce que, enfin, si vous jouez au katana, vous allez trancher des ennemis. Si vous jouez au marteau, vous allez leur exploser la tête. Si vous jouez au flingue, vous allez pareil leur exploser la tête, mais vous savez pas de la même manière. C'est vraiment au marteau, vous donnez un coup et là vous écrasez la tête du mec au sol et il y a une gerbe de sang qui éclate, quoi. Au flingue, c'est tout simplement la tête qui explose un peu et le mec tombe. Enfin, c'est dégueulasse, mais c'est Deadpool. Voilà. Je pense que c'est le plus grand truc à dire, c'est Deadpool. Deadpool n'a jamais été pour les enfants. Non, et pour la blague, nous on avait un gamin de 6 ans dans la salle. On était allé voir. Le père qui s'est dit, tiens, encore un film de super-héros, j'en mets mon gamin de 6 ans. Et donc je ne te dis rien sur le film. Oui, parce que voilà, juste pour que vous sachiez, quand ça se sera diffusé, je l'aurai vu, mais alors on enregistre. On est le 12 février. Je n'ai toujours pas vu le film. Je pense qu'on pourra du coup en complément faire un épisode sur le film. On pourra faire un épisode sur le film, effectivement. Quand tu l'auras vu, puisque voilà, on pourra le faire en complément. Parce que là, c'est vrai que t'aurais vu le film, on aurait pu faire un parallèle, le jeu avec les parler du film en même temps. On va pas le faire, donc. Et puis on peut se permettre de parler, oui, du film dans. On parlera du film dans un prochain épisode. Parce qu'il y a des choses à dire, voilà. Ouais, de toute façon. Largement. Il y aura des choses à dire, qu'ils soient bons ou pas. Hein. Voilà. Moi je l'ai pas vu donc je ne dis rien. Et donc ouais, c'est gore et il y a toujours des trucs assez drôles. Moi je pense aux phases un peu surtout dans la première partie du jeu, vraiment au tout début, le tout premier niveau, il y a une phase d'infiltration. qui m'a fait hurler de rire parce que en fait on peut arriver derrière le personnage. Alors vous imaginez Deadpool qui est un mec qui est pas discret, qui se met sur la pointe des pieds et qui marche et ça fait oui, oui, oui, oui à chaque pas qu'il fait. Donc déjà c'est hilarant. Et on a le choix entre l'attaquer au corps à corps ou l'attaquer à l'arme. C'est une sorte de QTE en fait. Vous appuyez sur le bouton que vous voulez faire et ça lance une petite cinématique. Et je crois que le meilleur que j'ai vu, c'est celui où on l'attaque au cac. Et c'est ridiculement drôle. Et donc c'est à l'arme. Et donc il lui tape sur l'épaule à gauche. Le mec se retourne à gauche, Deadpool se met à droite. Le mec regarde à droite, il se met à gauche. Et en fait, il fait ça pendant quelques secondes. Et jusqu'au moment où il se met du même côté que le mec, il lui fait un grand sourire et il lui tire dans la tête. Il y a que des trucs comme ça. Il y a d'ailleurs tout un passage qui, moi, m'a un peu emmerdé, qui est justement en stealth, dont on parlera un peu plus tôt, pas un peu plus tard. Il y a un passage qui est complètement en stealth où j'ai beaucoup de mal, parce que stealth... Je suis très mauvais en stealth. Les gens qui me connaissent sur Payday 2 savent à quel point je suis mauvais. Mais mauvais. Mais mauvais. C'est mauvais. C'est ouf. C'est du José mauvais. C'est du José mauvais, exactement. Et du coup, je pense qu'on va peut-être se faire une petite pause parce que, à partir de là, on va spoiler comme des bâtards. Voilà. Donc on va vous laisser écouter de la musique et choisir de rester ou de partir. On va vous faire des bisous et puis on voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur le jeu qu'on va un peu spoiler, vous restez, sinon vous allez sur Mixcloud. C'est ça, vous allez faire le jeu et après vous revenez écouter la fin sur Mixcloud. C'est ça. Donc on vous retrouve d'ici quelques minutes après la pause musique. A tout de suite les gens. A toutes. Et c'était beau la musique. C'était beau, mais comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Donc si vous êtes toujours là, eh bien reviens à vous. Si vous êtes revenu après avoir joué au jeu, re-bienvenue à vous, je sais plus. Enfin t'as compris. Oui c'est ça, re-bienvenue. Et maintenant, on va rentrer vraiment à fond dans le jeu. Alors, il y a un tas d'ennemis. Ferme. Alors, attendez, juste deux secondes. Ken Verdier, ferme ta gueule, s'il te plaît. Ça fait du bien, je l'entends presque plus. S'il vous plaise. Il me gueulait dans les oreilles, là, le Verdier. Parce que oui, comme on est vendredi après-midi, je regarde, il est pas shiny. Voilà. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc là, ils chassent les gens qui se poseraient la question. Et mon para, ça évolue en parasect, il me semble. Ou alors la console a frisé. Je ne sais pas. Ah non ! Ouah, il a passé toutes les évolutions déjà ! Merde ! C'est Chenipan ! Qui était le cinquième Pokémon, je crois. 4 ou 5ème ? Je crois que c'était le 5ème. Ah, mais non, c'était le 4ème, puisque Osley évolue aussi. Anyway. Oui, hein, je fais ma vie, hein, Pokémon, tout ça, hein, vous avez l'habitude. Anyway. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? On peut parler des ennemis, peut-être ? Les ennemis qui, pour moi, sont probablement les meilleurs parce que c'est des ennemis qu'on voit jamais dans des jeux vidéo ou même au cinéma. Après, au niveau du film, je sais pas. Hein. Mais, par exemple, qui aurait envie, dans un film, de mettre comme ennemi Vertigo ? Est-ce que tu te souviens déjà qui est Vertigo ? Vertigo, putain de nom, ça me dit quelque chose. Vertigo, c'est la nana qui lui donne le tournier et qui le fait vomir. Oui, c'est vrai. Oui, c'est bon, je vois. Voilà, c'est le pouvoir de la méchante. Je ne rigole pas. La nana, elle te donne le tournis, elle te fait vomir. C'est son pouvoir. C'est beau. Moi, je trouve ça magique. Je trouve ça splendide. Les ennemis... Ah, attendez, parce que du coup, je vais vérifier quand même. Je vais vérifier qui est-ce qu'il y a. Donc effectivement, il y a Vertigo, il y a aussi Psylocke, Domino, Wolverine, c'est les gentils. Alors c'est pas le X-Wing, c'est le Blackbird. Donc tous les gens qui ont dit X-Wing c'est dans Star Wars, je vous emmerde. Soyons d'accord. Il y a Arclight, Cable ça aussi, voilà. je suis en train de relire le truc en fait. Et c'est débile. C'est débile. Est-ce que je vous lis le synopsis de Wikipédia en entier? Mais écoute, on est là pour rigoler ou pas? Parce que ça donne tellement tout, il y a même des trucs dont je me souvenais pas. Parce que ça fait quand même un moment que j'ai joué au jeu. Les vidéos qui sont sur la chaîne, puisque oui, j'ai fait le jeu sur la chaîne. Les vidéos qui sont sur la chaîne datent de juillet. Les vidéos datent de juillet, donc c'est pour vous dire à quel point ça date. C'était il y a plus de 6 mois. Donc je vais vous lire le scénario. Le synopsis donc est entier, cette fois-ci, là on spoil entièrement. Je vous lis ça et vous allez voir. Deadpool est chez lui et attend un appel important de High Moon Studios. Donc High Moon Studios, c'est les vrais développeurs du jeu. On en parlait. À qui il a proposé une idée de jeu vidéo. Après quelques négociations, entre guillemets, High Moon accepte de faire son jeu vidéo et envoie le script à Deadpool qui va tout recevoir à sa convenance. Qui va tout revoir à sa convenance. Le jeu commence, Deadpool est engagé pour capturer Chance White, on ne connaît pas la raison pour laquelle il accepte puisqu'il ne se donne pas la peine de lire le script, un producteur d'émissions de télévision. Deadpool se rend au siège de la société de son contrat, massacre les sbires de celui-ci et se jette par une fenêtre avec lui. Chance est sauvé, entre guillemets, par les sbires de Sinister, donc il y a le grand méchant du jeu, alors que Deadpool est au téléphone avec le patron de High Moon après avoir explosé le budget en effet pyrotechnique. C'est vrai qu'à la fin du... À la fin de la première mission, on a une espèce de générique de fin où ça pète de partout avec Deadpool sur un dragon et une épée avec son chien. Enfin, complètement débile. Et il arrive dans un espèce de souterrain en 8 bits. C'est typé 8 bits, vu d'en haut, typé 8 bits. Et il appelle le patron Daimon et lui dit « Oh, c'est quoi ce bordel ?» Le mec lui dit « T'as explosé tout le budget. » Il fait « Ok, bah, je vais ramener du budget. » Et il le fait. Deadpool. Quand Deadpool poursuit les maraudeurs dans les égouts, il doit affronter Arclight puis Vertigo, on en parlait. Il surprend Sinister qui tue Chance après s'être assuré d'avoir le contrôle de son satellite. Deadpool décide alors de se venger de Sinister pour lui avoir fait perdre un contrat, mais le muté se fait tuer en faisant exploser son corps. Le mutant, je pense, mais... Deadpool est recueilli par Psylocke, Domino et Wolverine qui lui révèlent que Sinister est parti sur l'île Genosha. Genosha, c'est une ancienne île de mutants qui a été détruite suite à une guerre et où il y a justement les fameuses sentinelles, les sentinelles qu'on a vues dans X-Men Day of Future Past, voilà, qui ont été créés, et même dans X-Men 3, au début d'X-Men 3, ce que Wolverine tue est une sentinelle. Qui ont été créés par Tarsk, qui n'est pas du tout un anagramme de Stark. Donc, après avoir fait un atterrissage en catastrophe avec le Blackbird des X-Men et donné quelques gifles à un Wolverine inconscient, ça c'est un passage énorme du jeu, tu gifles Wolverine. C'est juste ça, tu gifles Wolverine, je crois que c'est le meilleur passage du jeu. Juste ça, déjà, ça suffit quoi. Il part à la poursuite de Sinister sur Genosha où il rencontre Cable, venu d'un futur lointain afin de l'avertir des plans de Sinister, mais par ennui, Deadpool préfère se tirer une balle dans la tête. C'est vrai qu'il y a tout ce passage avec Cable, où Cable est là, tu dois m'écouter, c'est très important, et t'es là et tu l'écoutes, et puis t'as Deadpool qui fait plein de mimiques genre, oh, oh, et puis au final, tu fais mettre fin à ceci, et Deadpool prend un flingue, il se tire une balle, et il se réveille. Il se réveille donc, en se réveillant, Deadpool trouve une lettre de Cable plantée dans sa poitrine, lui donnant rendez-vous le plus vite possible afin de ne pas manquer, entre guillemets, sa fangirl numéro 1 dotée d'une immense poitrine, que l'on voit brandissant un panneau « I love DP, j'aime DP ». Alors, là il y a un double sens. Quel est-il ? DP, ça peut être Deadpool. D'accord ? Ouais. Ça tient aussi, et c'est ça la blague pour Double Penetration. Double pénétration. C'est ignoble. C'est dégueulasse, voilà, c'est dégueulasse. Mais le, tout le jeu est comme ça. C'est ça qui est génial. Donc, après avoir retrouvé Cable et ne pas l'avoir écouté une fois de plus, Deadpool décide d'attaquer la tour de Sinister. Après avoir déclenché une apocalypse électromagnétique, Deadpool tue Sinister mais se rend compte qu'il ne s'agissait que d'un clone. A la suite d'une discussion mouvementée, Cable réussit à convaincre Deadpool de se préoccuper de ce que pourrait faire Sinister car s'il ne le fait pas, Sinister pourrait détruire son restaurant de tacos favori. C'est pas une blague, c'est la vraie motivation qu'il donne dans le jeu pour que Deadpool aille tuer Sinister. Mon dieu. Ce jeu est immense. Il y a ce passage maintenant que je relis ça, je m'en souviens, où on est en haut de la tour et il y a Sinister qui est dans un espèce de grand fauteuil, il est attaché, il est là, tu vas voir Deadpool, tu ne peux rien arrêter, tout ça. Et Deadpool lui dit, bah vas-y, viens te battre. Et l'autre il bouge pas, il fait, mais attends, est-ce que tu serais coincé? Et tu fais, non, c'est pas moi, je suis pas coincé. Et donc Deadpool se met sur lui. Il monte sur le fauteuil, il s'assoit sur ses genoux, il frotte ses couilles sur sa gueule. Et il regarde, il y a une petite console, et il fait, alors, mais qu'est-ce qu'a fait? Et l'autre, appuie pas. Et en fait, quand il appuie, ça balance un choc électrique à Sinister. Et moi, je me souviens que je spammais les touches dans un certain ordre, et ça faisait DJ Deadpool, en fait. Parce qu'il a carrément un bandeau de DJ, et il fait sur les boutons, c'est énorme. Et on peut faire danser Sinister en appuyant sur tous les boutons très très vite. En appuyant très très vite sur certains boutons, on peut le faire danser, mais d'une vitesse, c'est génial, quoi. Et oui, d'ailleurs, avant qu'on se rende compte que c'est un clone, il y a un générique de fin. C'est-à-dire, il y a le générique de fin, et puis il y a Cable qui arrive en disant « Putain, c'était un clone !» Et là, on fait « Quoi ?» Voilà. L'anti-héros, donc là il parle de Deadpool, décide donc en toute logique d'utiliser le pied d'une sentinelle afin de voyager jusqu'à la tour de Magneto, le QG de Sinister. Et Cable accepte de réparer le module pour lui. Malheureusement, en plein vol, Deadpool percute Malicia qui est capturée par le casseur afin de l'emmener dans une arène et de la torturer. Deadpool décide de la sauver afin que Malicia puisse tomber amoureuse de lui, mais décide entre temps de tuer Sinister, un autre clone. Voilà, donc il y a ce passage-là dont je parlais en stealth, où on doit s'approcher en fait de tous les. On doit tuer tous les sbires en stealth pour finalement tuer Sinister. Et s'il y a un sbire qui vous voit, vous recommencez la mission. Et quand vous les avez presque tous tués et que le dernier vous spot, c'est chiant. Faut bien tes couilles. Et pareil, hein, quand on tue Sinister, autre clone. Générique de fin, Deadpool qui est avec son téléphone en train de tweeter et d'envoyer des posts Facebook. Ouais, c'est trop bien, j'ai tué Sinister. Et Cable qui lui envoie sur Facebook, c'était un autre clone, putain. Tristesse, beaucoup de tristesse. Voilà. Quand il arrive à Malicia, elle est presque morte. Il décide donc de la sauver en l'embrassant comme jamais, afin de lui transmettre son pouvoir de régénération, ce qui est prétexte pour une phase de gameplay dans la peau de Malicia qui a absorbé l'esprit de Deadpool. Ce qui est hilarant. C'est vraiment hilarant. Après s'être malencontreusement fait exploser avec une grenade, Deadpool retrouve brièvement son amour de toujours, la mort, qui lui explique que Sinister exhume des corps de mutants afin de récupérer leur ADN et décloner, les empêchant de trouver le repos. La mort demande donc à Deadpool de l'aider à retrouver ses âmes en peine afin de mettre fin à leur souffrance. Deadpool accepte et rejoint le monde des morts dans 4 niveaux consécutifs. C'est vrai que c'est 4 niveaux consécutifs et qui sont vraiment pas mal. Bon, il y en a un où t'es sur un love boat. C'est un bateau en cygne, en fait. Et toi, t'es devant avec une mitrailleuse à ballon. C'est vraiment des ballons de plage. Et tu dois tuer des. Tu dois faire un espèce de mini-jeu, genre. Comme il y a dans Bioshock Infinite, tu sais, au début. Oui. Tu dois tirer sur le démon. T'as les méchants de la Vox Populi qui traversent l'écran et tu dois leur tirer dessus. Bah là c'est pareil, tu dois tirer sur tout. Il y a des effets de ballon, tu peux tirer des canards, enfin c'est débile. Il y a même un moment dans un niveau, un demi-boss en fait, qui est un espèce de mec avec une grosse tête. Je sais pas si tu t'en souviens. J'essaie de m'en rappeler. C'est un mec avec une tête énorme. En fait, c'était le gagnant d'un concours. Si. Oui. Le mec avait gagné un concours et à la base, il devait prêter donc sa tête et sa voix à un livreur de pizza. Et donc, ils ont fait les captures, ils ont fait les voix, ils se sont rendus compte que, en fait, ils ont enlevé l'histoire du livreur de pizza. Donc, du coup, ils l'ont mis en boss alternatif. Enfin, boss non obligatoire, en fait, on n'est même pas obligé de le tuer. Moi, je le tue à chaque fois parce que ça m'éclate, mais on n'est pas obligé de le tuer. Où, en fait, le mec, il vole dans les airs, il nous attaque, il est là. Je devais être un livreur de pizza. C'est débile, c'est génial. C'est Deadpool. C'est voilà. Relativement magique. Une fois sa mission accomplie, Deadpool rejoint le monde des vivants et va jusqu'à la tour de Magneto en utilisant un vélo à réaction où il combat les clones de Sinister vague après vague. Alors ça, le coup du vélo à réaction, je vous laisse, sincèrement, je vous disais, je l'ai fait sur YouTube. Donc, si vous voulez voir, en fait là, il manque plein de trucs, hein, croyez-moi. On parle pas de tout, on parle du plus important, mais c'est génial. Une fois tous ces clones massacrés, Sinister sort de la tour, mais KO les X-Men et commence à insulter Deadpool de tous les noms. Celui-ci, ayant préalablement tracé une croix rouge au sol, utilise la botte de la Sentinelle pilotée par Mr. Shuggles, le chien de Deadpool, pour écraser Sinister. Alors que Deadpool se demande s'il s'agissait bien du véritable Sinister, Cable apparaît et lui fait un pouce levé. Le générique se lance. C'est l'histoire de Deadpool, le jeu vidéo. C'est du what the fuck tout du long. C'est du what the fuck tout du long. Il y a, je vous parlais il y a un petit moment du passage dans la botte où il finit par heurter Malicia. C'est en fait la botte s'envole, puis d'un coup elle s'arrête et elle retombe un peu plus loin et donc ça donne en fait lieu à des phases de shoot. Et en fait, ce qui est drôle, c'est pas les moments où il est en l'air, enfin où il est au sol, c'est les moments où il est en l'air qui sont le plus drôle parce que il y a un moment où il est, en fait, il sait pas comment la contrôler. Et donc, il sort divers papiers, il lance des trucs, il lance un poulet en plastique. Il y a beaucoup de poulets en plastique dans ce jeu. Pourquoi, j'en sais rien. Et il sort le manuel, il ouvre le manuel, il commence à le regarder et le manuel s'envole. C'est rempli de trucs comme ça, c'est rempli de petites blagues. Il y a un passage où il s'envole et on le voit, il est assis dans la botte et en fait la botte est transformée en jacuzzi. Et il est avec une nana et sa poupée gonflable du début. Et puis d'un coup il regarde la nana, il fait I crapped a little. J'ai fait caca un peu. Putain. Pourquoi? Et c'est rempli de trucs comme ça. C'est moi je me rappelle parce que là on a parlé de l'histoire, mais ce qui va plus vous toucher dans Deadpool, c'est l'humour. Moi je repense au premier niveau, justement la tour pour le producteur de télé. Oui. Où justement il fait, donc on passe dans les égouts, toute la première partie du niveau c'est les égouts et ensuite c'est la tour. Et donc pour passer des égouts à la tour, il fait péter du C4, qui est en fait juste un petit morceau de carton qui pose, il fait pop pop pop pop pop et ça explose. C'est vrai. N'importe quoi de cette scène. Et donc ça explose, donc on voit l'intérieur de la tour, ça explose, il y a des ennemis qui sont projetés et tout. Les mecs arrivent avec leurs armes, Deadpool sort des toilettes et il les regarde. I'm not the one with a little piece of shit in their pants, am I? En gros, je suis pas le seul à avoir de la merde au cul, n'est-ce pas? Oh, putain. Tu fais putain, mais sérieux? J'étais comme ça pendant tout le jeu. Je vous disais, le coup de I love DP. Le I love DP est magnifique. C'est splendide. C'est rempli en fait de blagues de ce genre, mais ce qui est bien, c'est pareil, hein, je vais redire ce que je disais avant, ce qui est bien c'est que c'est beauf mais pas ultra lourd, ça en reste drôle pendant tout le jeu parce que c'est bien fait, parce que c'est bien fait, c'est exactement ça, il y a toujours une contre-mesure en fait à l'humour mis en place et donc du coup on tombe pas sur certaines lourdeurs. Prout, prout, prout, caca, prout. Non, parce que c'est drôle, parce qu'il y a de l'humour pipi caca, il y a de l'humour un peu plus subtil, il y a de l'humour par rapport à la situation du fait de l'ambiguïté entre la conscience d'être un personnage de jeu vidéo et être contrôlé parce qu'on est un personnage de jeu vidéo. Enfin, c'est de l'humour, c'est que ça, mais c'est plusieurs types. C'est ça, et chacun servant à faire une contre-mesure d'un autre type pour pas qu'on tombe dans une lourdeur et une répétition trop française. C'est, non, mais c'est exactement ça. Parce que nous, le problème, c'est qu'avec l'humour, nous les Français, on n'a pas la contre-mesure. C'est-à-dire que c'est l'humour. C'est un peu de celle. Aladdin. Ouais, mais c'est l'humour, on va dire, à la Mr Bean. C'est-à-dire, c'est le comique de répétition. Mais qui, en fait, n'est pas bien géré, qui n'est pas drôle. Qui n'est pas bien géré et qui, en fait, tu vois, c'est surenchère. Et ça continue. Et il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas de changement. Et des fois même, tu t'enfonces dans une espèce de... D'une nudité, en fait, tout simplement. Oui. Il y a pas... On n'a pas cette... Enfin, je dis pas que... Parce qu'il y a des comiques français qui sont excellents. Que ça soit sur scène, que ça soit au cinéma, qui ont un humour efficace. Mais quand tu regardes... les jeux français, on est bon en jeu. Au niveau français, tu regardes, on est quand même pas trop dégueu au niveau des jeux vidéo. Mais par rapport au cinéma, parce que voilà, c'est un art comme un autre. Et que le problème, les comédies françaises... 90% voilà. C'est de la merde. Soyons honnêtes. Ouais. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. C'est que. 90% c'est de la merde. C'est que ça commence bien et ça c'est chiant, quoi. C'est en fait, faut s'arrêter. Ouais, il y a un moment dans le film, en fait, c'était bien pensé, puis voilà, c'est mort, quoi. Je crois que vraiment, il y a un moment, faut s'arrêter, en fait. Tu vois. Et moi, ce que j'aime, c'est que Deadpool, le jeu comme le personnage et tout, c'est de la grosse connerie. C'est vraiment. C'est de l'humour pipi caca, hein, comme on disait. Mais quand il faut être sérieux, ils savent être sérieux. Ils disent on va toujours faire des blagues. Mais quand il faut être sérieux, il sait l'être. Et puis il y a toujours ce. Ce côté, c'est-à-dire qu'il fait des blagues, mais il ne désamorce pas la situation. C'est ça. Et puis comme il est souvent confronté à des personnages extérieurs, il y a toujours quelqu'un qui va lui mettre le holà. C'est ça. Bon, ce qui n'empêchera pas que ça repartira en steak après, mais il y a toujours un personnage qui vient mettre le... C'est ça aussi, c'est qu'un personnage qui arrive en interaction avec Deadpool, il vient pas pour mettre une surenchère. Non. Au contraire, il vient pour contrebalancer... Il vient pour contrebalancer un peu l'humour, en fait, de Deadpool. C'est ça. Et des fois... Alors, des fois, c'est Deadpool qui va lui surenchérir. Ce sera pas tout le temps. Mais il y a des fois, par contre, il va s'arrêter net. Enfin, il y a des fois, bon, enfin, il va s'arrêter net. Voilà, il va redescendre d'un cran, mais des fois, il va y aller crescendo, quoi. C'est ça qui est bien, c'est que ça sera pas tout le temps la même chose. Ça sera pas un c'est un personnage déjà qui est fou. Oui. Enfin, il est pas fou. Non, il est pas fou. Il est pas fou. Il est juste schizo. C'est ça. Il est juste schizo, ce qui est une réalité puisqu'il entend des voix dans sa tête. Oui. Deadpool est un personnage qui a des voix dans sa tête. Et non, enfin, c'est ça l'humour de Deadpool est quasi toujours, je dis bien quasi toujours parce que je ne sais pas trop, j'ai pas lu tous les comics, j'ai joué au jeu, j'ai pas encore vu le film, mais c'est toujours de ce que j'ai vu, bien dosé en fait. C'est que quand tu vas faire une situation qui peut être lourde et faire des blagues sans désarmer la situation. Tu peux faire une blague qui va faire marrer tout le monde, mais qui souvent au contraire, c'est là que c'est bien pensé, c'est pas une blague pour faire une blague, c'est pas une blague qui sort comme en France de nulle part. C'est toujours contextuel. Tu vois, c'est des blagues qui vont être liées à ce qui se passe et qui vont être causé souvent au stress. C'est-à-dire qu'on te met dans une situation qui est lourde, qui est entre guillemets stressante. J'aime pas trop parler de stress, mais c'est pesante. C'est le meilleur. Voilà, c'est pesant. Et vous savez, quand il y a un truc pesant, c'est toujours un peu difficile. On est là, genre un peu mal à l'aise, un peu. Vous voyez, c'est genre, je suis pas bien. Je suis pas bien, je me sens pas bien. Et d'un coup, on vous balance une blague, mais qui justement va être en rapport. Et ce qui va vous faire rire, ça va pas être l'humour de la blague, parce que souvent les blagues sont même pas drôles. Non, c'est le contexte. C'est qu'elle se joigne au contexte. C'est qu'elle se joigne au contexte. Et une fois qu'on a fini de rire, c'est-à-dire on rigole un coup, et une fois qu'on a fini de rire, on se rend compte qu'on est toujours aussi stressé. Et que ça a pas désarmé la situation. Parce que ça, c'est un des plus gros soucis des films français. Ils vont te mettre dans une situation qui est ultra stressante. Il va y avoir une blague de prout. Et puis d'un coup, tu te rends compte que bah, ta situation, en fait, c'est pas si dangereux que ça. Tu vois, limite, genre si. Si limite, elle se transforme en gêne. C'est-à-dire limite, que. Elle se transforme en gêne, ouais, c'est ça. C'est plus. C'est plus pesant par un stress ou une espèce d'oppression. Ça devient pesant parce que c'est gênant. Et ça, c'est très désagréable. C'est exactement ça. Mais par exemple, une blague. Un truc qui nous ferait dans une situation pesante. On est, par exemple, invité à l'enterrement de, je sais pas moi, le père d'un ami qui est mort dans un accident de voiture parce que bah, y a ses freins ont lâché. Et t'as le grand-père qui arrive et qui dit « Ah, c'est triste, il aura fini par se ronger les freins. » Un truc par rapport à l'automobile. On va rire. C'est pas drôle. C'est pas drôle, mais c'est voilà. Et voilà. Et ça va même être de l'humour involontaire. C'est juste qu'on va rigoler parce que, voilà. Ça va être pris pour blague. Sans le vouloir. Et ça, c'est bien. C'est ce qu'il faut. C'est un humour efficace. C'est ça. Et puis, au final, c'est ce qu'on aime chez Deadpool. C'est son humour qui est, des fois, dans le too much. Enfin, moi, je me souviens, j'en parle souvent, j'avais lu un comics il y a très très longtemps. Et je me souviens magnifiquement de ce passage où il est en pleine jungle. Il est tout seul, il n'y a personne. Et d'un coup, il dit, putain, si on était dans un comics, il y aurait un méchant qui arriverait derrière moi pour m'attaquer. Et dans la bulle où il dit ça, dans l'image, en fait, dans le dessin, en fait, il y a un ennemi derrière lui qui commence à pointer le bout de son nez, et à l'image d'après, il est en train de l'attaquer. Et là, on est là en mode, mais ils sont sérieux? Ils sont sérieux? Il y a dans le même comics, il y a un passage où il se retrouve donc face au grand méchant qui l'a capturé, qui lui a tranché un bras, qui lui a pris ses sabres. Bon, c'est quand même une situation lourde, quoi. Même si Deadpool peut pas mourir, c'est lourd, tu vois. Et il dit à Deadpool, tu es chez moi, est-ce que tu sais où on est? Et Deadpool lui répond, bah oui, Deadpool numéro 14, page 90, dessin numéro 3. Tu fais, non mais il est sérieux le mec là? Genre sérieusement, ils ont fait cette blague. Mais t'en as plein, moi je sais que j'en avais vu un autre de Deadpool, c'était ce que j'ai un pote qui avait une collection. Et t'as une scène où donc il est avec les. Ah, je sais plus avec quel héros. Il est avec les X-Men. Ouais. Ils sont face à un méchant, tout ça. Et ils se font claquer la gueule. Et le méchant pense, tu vois, c'est un peu le cliché, toi, il raconte son plan, machin, tu sais, il leur parle et tout ça. Et t'as un moment, t'as une case où tu vois Deadpool et il fait, c'est dingue. Il fait toutes ces planches statiques où le méchant parle, il n'y en a pas un qui lui a mis une gifle. Non mais voilà, Deadpool. C'est ça. Et après, juste après, bien sûr, il se prend une mandale céleste de la part du méchant et bon, il se fait expédier, quoi. Mais t'as cette coupure là, en fait, t'as toute la scène et puis t'as un moment, t'as juste une case où tu vois en fait Deadpool, tu vois, qui était là, enfin, et il s'arrête et tu le vois avec un air super interrogateur et il pose ça. Il dit voilà, il fait, putain, mais c'est toutes ces images statiques où il raconte sa vie et personne lui met une claque. Non mais c'est pour ça que j'aime Deadpool, quoi. C'est ça qui me fait autant aimer Deadpool, c'est cet humour qui est très honnêtement nul. Très honnêtement, c'est un humour qui est nul. Bah, c'est nul, c'est prévisible, c'est un humour de mise en abîme, quoi. C'est ça, c'est la mise en abîme, c'est le méta, en fait. c'est le méta, c'est même, il me semble que Deadpool fait quand même pas mal de brisage du quatrième mur. Oui. Puisque très souvent, il parle au lecteur. Il parle au lecteur et c'est génial. C'est immense. Oui, parce que tu peux avoir des comics où il te dit bon bah voilà ce qui va se passer aux prochaines cases et voilà ça, en fait il te raconte ce qui se passe après et tu dis si tu veux tu peux passer à cette page là parce que ça va être un peu plus intéressant. C'est ça. Moi, ça me fait beaucoup penser dans l'humour un peu méta au film This Is the End de comment est-ce qu'il s'appelle le mec, Seth Rogen. Seth Rogen, c'est un mec qui a un humour qui est très particulier aussi et qui est assez méta. Et c'est un film, je sais pas si tu l'as vu toi, Puck. Ça me dit quelque chose. De nom, ça me dit quelque chose, mais j'ai pas dû le voir. En français, il a appelé C'est la fin. C'est avec donc Seth Rogen, James Franco et Jonah Hill. Et en fait, c'est un pote à Seth Rogen qui vient chez lui. C'est Jay quelque chose, je crois. C'est donc le mec qui vient, il va chez Seth Rogen, et donc bon, forcément c'est Seth Rogen, donc il fume tout un tas d'herbes, ils prennent des trucs, voilà, c'est Seth Rogen quoi. Ouais. C'est l'humour Seth Rogen, hein, la drogue, la baise, c'est l'humour Seth Rogen. Et donc Seth Rogen lui dit, écoute, ce soir je suis invité à une soirée chez James Franco, j'aimerais bien que tu viennes. Le mec, bon bah ouais, mais attends. Moi je suis venu pour te voir, tu sais que j'aime pas trop James Franco, qui est-ce qu'il y aura? Bah tu sais, il y aura pas mal de monde, il y aura Michael Cera, il y aura Jason, je sais plus, enfin le mec qui joue Marshall dans Why Met Your Mother. Ouais. Il y aura Mindy Colling, il y aura Rihanna, et il y aura Jonah Hill. Et là le mec il fait, ouais mais attends, Jonah Hill c'est le chouchou de l'Amérique mais c'est un faux cul quoi. Il est toujours faux cul avec moi je l'aime pas. Et donc ils finissent par y aller, ils y vont. Et puis arrivé au bout de la soirée, enfin à un moment de la soirée, Jay lui dit bon bah écoute, j'aimerais bien qu'on aille acheter des clopes. Je voudrais bien aller acheter des clopes. Donc ils vont au magasin, ils vont pour acheter des clopes, et là, c'est la fin du monde. Littéralement la fin du monde. La terre se met à trembler, le ciel devient noir, il y a des gens qui sont emportés par des rayons de lumière. C'est la fin du monde quoi. Donc il rentre chez James Franco, qui a cru que c'était un simple tremblement de terre, qui dit mais non, mais ma maison elle résiste au tremblement de terre, tout ça. Autre tremblement de terre, tout le monde se barre dehors, il y a un gros trou, il y a un énorme trou qui s'ouvre devant, 90% des gens qui étaient là meurent. Normal. Et il se retrouve donc avec donc juste le petit groupe, avec un autre acteur dont je ne retiens jamais le nom. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'ils jouent leur propre rôle, hein. C'est-à-dire que James Franco joue le rôle de James Franco. Mais c'est des caricatures. Ah, c'est Craig Robinson, l'acteur, que je ne retiens jamais. C'est Jay Baruchel, le pote, qui vient. Il y a Danny McBride aussi. Donc ils se retrouvent tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6, tous les 6 chez James Franco. Et donc en fait, ils vont essayer de survivre à l'apocalypse. Comme ça. Et il y a un passage qui est magique où il parle de. Alors je vous spoil, hein, je vais vous spoiler le film. Largement, enfin presque. Pour les gens qui l'ont pas vu, n'écoutez pas ça, mais il y a un passage où il parle de. Comment? De. Pineapple Express, qui était un film qu'ils avaient fait, James Franco et Seth Rogen, qui parlait de mecs qui sont trafiquants de drogue et qui un jour donnent pas assez d'argent à un mec et il les poursuit et tout ça. Enfin, c'est complètement débile. Et ils sont là en train de se dire, ouais, on aimerait bien faire Pineapple Express 2. Et ouais, et puis dans Pineapple Express 2, t'imagines, il y a Danny McBride qui nous poursuit. Et puis il est avec Channing Tatum. Et puis là, d'un coup, il nous capture et... Il va pour te tuer, toi, Seth. Et moi, James Franco, je saute devant et je me sacrifie. Et comme ça, je meurs. Et toi, tu peux t'enfuir. Bah, si vous voulez une blague, c'est la fin de This Is The End. Ils nous le disent au début du film. Ça finit comme ça. Ça finit comme ça. Le film finit comme ça. avec James Franco qui se sacrifie pour Seth Rogen, Danny McBride qui est devenu méchant, qui a pris Channing Tatum avec lui et qui les attaque. Enfin, c'est débile, mais à souhait, en fait. C'est vraiment débile à souhait. Et moi, j'aime cet humour-là, tu vois. J'aime cet humour-là parce que, je l'avais pas remarqué. Quand j'ai regardé le film la première fois, j'ai trouvé que c'était une très bonne blague et un très bon film. Mais j'avais pas capté. Et c'est en le revoyant la deuxième fois, quand j'ai vu le passage où il parle de Pineapple Express 2, j'ai regardé ça et j'ai fait mais c'est la fin. C'est la fin du film. Et j'étais en train de me dire, putain, waouh quoi. Et donc pour dire, voilà, moi j'adore cet humour. Et c'est pour ça que j'aime Deadpool. Et je pense que c'est pour ça que vous aimez Deadpool aussi. Je sais pas pour toi. C'est ça qui m'a fait aimer ce personnage-là. C'est-à-dire que je connaissais pas. Je l'ai connu vite fait parce que je découvrais l'univers Marvel. Mais j'ai un pote qui était vraiment fan, qui m'a vraiment fait découvrir le personnage avec toute sa complexité. C'est un personnage qui est quand même complexe. Et j'ai vraiment accroché. Moi, j'ai vraiment accroché sur ce personnage Marvel, vraiment. Je le trouve génial. Ce personnage est génial. Et sincèrement, je vous le redis. Alors, le truc en fait que j'ai fait, c'est que quand j'ai fait Deadpool le jeu sur Twitch, je n'ai presque pas parlé. Parce que je riais tellement. En plus, ça dure pas longtemps. Ça dure, il y en a pour 5 heures de gameplay, à peine. Il y a 5 parties entre 40 minutes et 1 heure. La plus longue étant d'une heure et quart, j'ai presque pas parlé. Parce que j'ai laissé tellement le truc se faire, tu vois. J'ai laissé tellement le jeu parler de lui-même. J'avais rien à dire tellement le jeu parle de lui-même. Et voilà, moi je pense que ce qu'il faut rechercher dans Deadpool le jeu, c'est juste une bonne grosse barre de rire. Oui, c'est vraiment ça. C'est pas un jeu qui est top tier dans le gameplay ou quoi, parce que c'est un jeu qui est classique dans son gameplay, mais son histoire et son humour sont tellement particuliers que pour moi il en est énorme. En plus, il y a des glitches très marrants. Il y a le glitch, ce qu'ils appellent le glitch de la lévitation, qui permet de skipper des passages entiers du jeu. Par exemple, au niveau 2, tu sais, dans les égouts, où tu poursuis Sinister et sa bande. Il y a un moment où tu les vois de l'autre côté, tu sais, il y a une barrière, il y a un fossé entre les deux, et même en faisant un double saut, tu peux pas l'atteindre. Parce que oui, il y a des doubles sauts, il y a des téléportations dans le jeu Deadpool. Voilà, Deadpool quoi. Et même en faisant un double saut, tu peux pas l'atteindre. Et en fait, les mecs ont trouvé un truc, c'est que quand Deadpool tire au flingue, il reste un tout petit peu en l'air. Mais juste un tout petit peu. Et en fait, ils ont trouvé une technique qui est de faire donc un double saut. Et une fois qu'ils sont au plus haut du truc, ils font tir coup d'épée, tir coup d'épée, tir coup d'épée, comme ça en boucle, très très rapidement. Ce qui fait qu'en fait, le personnage reste en l'air et avance petit à petit. Et ce qui skip tout un passage du jeu. Puisqu'on skip les trois quarts des égouts en fait. Pas mal. Moi, je trouve ça génial. On va même vous faire, ça fait longtemps qu'on vous l'a pas fait, le petit point speedrun. Je sais pas ce que t'en penses. Allez, ben vas-y. Le petit point speedrun, donc le jeu, moi je l'ai fait. Alors j'ai juste fait l'histoire principale parce qu'il y a des challenges aussi qui sont. Je les ai pas testés les challenges, mais c'est de la castagne. Hein. Très sincèrement, c'est de la castagne. C'est la bagarre. La bagarre. Mais ouais, il m'a fallu 5 heures pour faire le jeu en normal. Et donc le new game en 90%. Le record du monde est actuellement à 1h18. 1h18 ? 1h18. 1h18, et on pourrait penser que le New Game Plus, puisque une fois que vous avez fini le jeu, vous avez moyen de le recommencer avec tout ce que vous aviez déjà acheté. Vous recommencez le jeu, mais si par exemple vous aviez acheté le marteau, bah au début du jeu vous aurez le marteau. C'est un New Game Plus normal quoi. Sauf que ça n'augmente pas la difficulté, il me semble pas. On pourrait penser que le New Game Plus est beaucoup plus long. Enfin, beaucoup plus court, en fait. Et ben pas du tout, parce que le New Game Plus est en 1h13. 5 minutes de différence. Alors qu'il y a un monde entier de différence dans le jeu. C'est ouf quand même, hein. C'est, ouais, c'est pas mal. C'est assez ouf. Et sur ce, moi je propose qu'on se quitte là-dessus. Sur cette bonne note. Sur cette bonne note, donc on vous refera un YOLO record sur le film Deadpool. Yep. Moi il faut que je le voie, de toute façon, je vais le voir demain soir. À dire que voilà, hein, je vous cache pas que je vais le voir pour la Saint-Valentin avec ma copine. C'est-à-dire que notre soirée de Saint-Valentin, ça va être KFC et Deadpool. Très très bonne Saint-Valentin, ça. Très très bonne Saint-Valentin. Si vous cherchez quoi faire à la Saint-Valentin l'année prochaine, hein, KFC Deadpool. Je vous spoil, c'est God Tier. Et voilà. Et bah, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les gens qui sont sur la radio. Même sur Mixcloud, hein, si vous l'écoutez le jour de la sortie de Mixcloud, ce sera la semaine prochaine aussi. C'est ça, on vous donne de toute façon rendez-vous toutes les semaines, le lundi et le mardi sur Mixcloud, c'est ça? Alors en fait, oui et non, parce que là, par exemple, le podcast 15, je ne l'ai toujours pas mis en ligne, et le 16, je ne l'ai pas mis en ligne non plus. J'ai du retard à rattraper sur les podcasts. Eh bien, on vous donne rendez-vous toutes les semaines sur Splash Web Radio, le lundi à 21h. Exactement. Pour un épisode à chaque fois nouveau de YOLO Records. Et eh bien, quand ça sera prêt, on vous donne rendez-vous sur Mixcloud. Voilà. On vous donne rendez-vous sur Mixcloud et puis on vous fait des bisous à tous. Voilà, des gros bisous. Et à plus. Et à plus. Bye bye, les gens. Bye.